sont des mouchards et des gendarmes. On ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Par les humains de la misère, les heureux mêmes sont en blanc. La mode est trop conseil de guerre et les pavés sont tous sanglant. Oui, mais ça tombe dans le manche. Les mauvais jours finiront. Les gars à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enche nos fusils, tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les chats qui mangent la peau rouge sont remplacés par la terreur de tous les jeunes. D'aller de roi et d'empereur. Oui, mais ça tombe dans le monde. Les mauvais jours finiront. Les gardes à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Demain les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service, et le pistolet en sautoir, sans pas sans les sabres peuplés, les curés. Oui, mais ça tombe dans le manche. Les mauvais jours finiront. Les gars à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Le peuple au collier de misère sera-t-il donc toujours vivé? Jusque à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusque à quand la simple clique nous croira-t-elle des détails? À quand enfin